Vengo a buscar mi caballo. Para adornarme con él. Vengo a buscar mi caballo para adornarme con él. Mañana saldré a los campos, quién sabe si volveré. Rastrear un recuerdo pa'l sur, pa'l norte, no sé. Quiero rastrear un recuerdo pa'l sur, pa'l norte, no sé. Qué duro tiempo he vivido, qué larga noche pasé. Qué duro tiempo he vivido, qué larga noche pasé. Si busco rumbo en la tierra seguro me perderé. Si busco rumbo en la tierra seguro me perderé. Con la luz que llevo adentro será otra cosa tal vez. Con la luz que llevo adentro será otra cosa tal vez. Antes que despunte el alba, despacio me alejaré. Antes que despunte el alba, despacio me alejaré. Adiós, mi viejo algarrobo, quién sabe si volveré. Adiós, mi viejo algarrobo, quién sabe si volveré. Pucha que es largo el camino, no sirvo pa' andar de a pie. Pucha que es largo el camino, no sirvo pa' andar de a pie. Por eso ensillo caballo para adornarme con él. Por eso ensillo caballo para adornarme con él. Voy a rastrear un recuerdo pa'l sur, pa'l norte, no sé. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 MHz et ses bulles de rêve. On va évoquer un petit peu maintenant ce qui se passe ailleurs pendant la fête du cinéma d'animation. On va commencer d'ailleurs par Strasbourg où notre ami Serge Kornmann a une carte blanche à la maison de l'image. Alors Serge, qu'est-ce que vous allez nous montrer? C'est très spécial. Là, ça se passe entre adultes, c'est-à-dire à partir de 18 ans, 19 ans. Non pas qu'il y ait des films interdits au moins de 18 ans, mais parce que le thème est littérature et cinéma d'animation. Cinéma d'animation, cette fois-ci pas dessin animé. Nous avons en programme la Tchécoslovaquie, la France, le Canada et l'Allemagne. Et des films qui sont disponibles à la Maison de l'Image, j'en ai profité pour montrer un extrait de Sinbad le Marin, de Carl Zeman, et la séquence de l'oiseau géant. Et en même temps, nous avons la traduction du docteur Mardrus des Mille et une Nuits, qui n'est peut-être pas exact mot à mot et scientifique, mais extrêmement poétique. Et je choisis cinq lignes où chaque mot fait image et en demandant aux gens de fermer les yeux et après ils les ouvrent et puis nous projetons l'extrait tel que Carl Zeman en découpage animé a vu lui la scène. Nous avons aussi Carmen de Lotte Reiniger qui est celle qui a débuté dans la silhouette animée dans le film d'animation, je pense, enfin l'une des premières à en faire, et c'est en fait l'auteur du premier long métrage du cinéma d'animation qu'on ait conservé du monde, bien avant Blanche-Neige, qui est Prince Ahmed. Nous, nous passerons Carmen. C'est tout à fait bien pour comparer avec l'œuvre originale de Prosper Mérimée, le thème de la jalousie, et cette fois-ci, comment le film esquive cette analyse psychologique. Parce que si vous avez des silhouettes, donc noires, vues de profil, il est assez difficile de faire passer quelque chose de psychologique. On y arrive. Mais dans ce film, c'est esquivé, justement. Alors on voit la littérature qui l'emporte cette fois-ci sur le film d'animation. Par contre, une curiosité, ça c'est un contraste formidable. Nous avons un extrait aussi d'un long métrage qu'on n'a pas passé dans les salles en France. Le Songe d'une nuit d'été, le dernier long métrage de Jerzy Trinka, le fameux réalisateur de marionnettes tchèques. Film formidable, avec des personnages baroques que j'ai vus à Vienne, hein, parce qu'on ne pouvait pas le voir en France. Et je prends une séquence de la pièce dans la pièce. Donc c'est déjà, si vous voulez, presque une image virtuelle. Vous avez la pièce de théâtre de Shakespeare, et dans cette pièce, il y a une autre pièce, comme dans Hamlet, sauf que c'est une comédie et pas une tragédie. En fait, il n'y a pas de dialogue. Or, qu'est-ce que c'est que le théâtre de Shakespeare sans les acteurs prononçant les dialogues, n'est-ce pas ? C'est un magicien du verbe. Mais on montre ici que les images données par les mots sont telles qu'elles peuvent, comme dans le cinéma muet, exprimer l'inexprimable. Tout en ayant heureusement tout en profitant de la possibilité du film sonore pour que la musique agisse sur l'émotion. Et il y a une partition musicale de Troyan, le compositeur qui est formidable et qui elle-même porte toute cette scène. Puis j'ai pensé à Desnos. Justement, Desnos, dans ses chants de femmes, a écrit Le Coucou, dont nous montrons la deuxième version, et La Sensitive, deux petits films qui, en dessin animé de Marie-France Moll, des années 70, montrent quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ces images sont neutres, et elles sont animées juste pour l'essentiel, laissant l'imagination intacte en proposant c'est cette neutralité du dessin avec une esquisse du mouvement afin que le spectateur puisse à partir de là se représenter un monde à lui. Et là nous voyons encore une fois la littérature qui inspire quelque chose, l'image qui ne va pas au bout de ses possibilités et l'ensemble font qu'on découvre de nouveau ce monde personnel que chacun a en lui après avoir lu un livre de fiction ou de la poésie. Et enfin, L'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bach, avec le respect total du texte de Giono qui est poli et tout ça, avec un dessin animé non caricatural, etc. Donc cet ensemble. Naturellement, la présentation n'est pas mécanique, on ne lit pas une ligne, on montre le film. Par exemple, pour Shakespeare, on ne lira rien du tout, ça. On montrera les images d'abord. J'ai aussi, je voulais l'ajouter, dans le cadre de la manifestation, à la BMS de Strasbourg-Neudorf, c'est la médiathèque de Strasbourg, grâce à Jeanne Pierson qui a suivi un stage chez moi, nous avons une séance pour les lycéens et des enfants à partir de 10 ans, avec une séance franco-russe, où nous projetterons de folles images Le Moine et le Poisson, et L'Égoïste de Jean-Loup Felicioli pour le second, Michael Dudok de Vic pour le premier, Au bout du monde de Konstantin Bronzit, le russe, et Le Loup Gris et Le Chaperon Rouge de Gary Bardin. L'avantage est que je connais tous ces réalisateurs et que je peux dire quelques mots de plus à leur sujet, et en même temps l'avantage est que pour des lycéens qui n'ont aucune notion par rapport à ce qu'ils voient à la télévision, de ce qu'est le cinéma d'animation, d'essayer de les enthousiasmer afin qu'ils puissent aller à la médiathèque et justement sortir des cassettes et des films pour voir chez eux autres que les Tintins, les Astérix et les mangas. Voilà ce que j'avais à dire sur les deux séances. Voilà, merci Serge. Donc, le coup de cœur de Serge Kornmann, et non pas la carte blanche, le jeudi 28 octobre à 20h, si vous avez envie d'aller faire un petit tour à Strasbourg. Et déjà le 27, pour la médiathèque, qui est moins intéressante pour vous, c'est à 14h30. Moins intéressant bien. Parce que ça s'adresse à la jeunesse. Un petit mot sur ce qui se passe en Ile-de-France avant de passer la parole à Annabelle. Donc, quelques petits éléments que je voudrais signaler. Par exemple, Une séance très intéressante à l'auditorium du Louvre le 27 octobre. L'héritage de Ladislas Starevitch. On montra les tout premiers Starevitch, puis ensuite des cinéastes d'animation en marionnettes polonais des années qui suivent, notamment 40-50. Des choses tout à fait uniques à découvrir. Une journée consacrée à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'ENSAD, le 26 octobre au Forum des Halles. L'ouverture et la clôture de la fête, bien sûr. L'ouverture, ce sera des merveilles de studio de Shanghai en Chine, où on aura les deux programmes, celui qui vient de sortir en salle et celui qui sortira en février, qui sera présenté au cinéma des cinéastes, donc le 20 octobre. Et en clôture, 10 films, je crois, oui, de 8 nouveaux pays entrant dans la communauté européenne, avec que des films récents, très intéressants. Donc essentiellement, que d'ailleurs de l'Europe de l'Est, parce qu'on n'a pas trouvé de films d'animation maltais ou chypriote. J'ai bien cherché, mais je n'ai pas trouvé. Voilà, pour les professionnels, je vous rappelle qu'il y a quand même une 26 octobre, je crois. oui, ça doit être ça. L'état des lieux de la production des films d'animation en France au Forum des Images. Donc rencontre professionnelle sur toute la journée et le soir, une projection avec des films pilotes qui n'ont pas connu le développement en série après, donc des pilotes étant restés lettres mortes. Il y a des choses très intéressantes à découvrir de ce point de vue-là. Un hommage à Sandor Reisenbüchler, un grand cinéaste hongrois auquel l'Institut hongrois rendra hommage le 28 octobre. Il y a Raoul Servet. C'est bien, Raoul Servet. Alors, oui, bien sûr, Raoul Servet à l'auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ce sera le vendredi 23 à 18h30 et non pas à 20... Non, le vendredi 22 à 18h30 et non pas à 20h comme c'est indiqué dans le programme. Malheureusement, il y a une erreur. Donc c'est bien 18h30. Je vous engage, il sera là. Il présentera Taxandria, son unique long-métrage, et Arpia, film Palme d'Or à Cannes en son temps. C'est une rencontre extraordinaire, je pense. Quoi donc, une rencontre autour de Ladislas Starevitch à la FNAC Italie le 26 octobre avec la petite fille du réalisateur. Florence Mial qui accueille tous ceux qui veulent bien venir dans le lieu qui lui sert d'atelier. Donc c'est un atelier au Frigo à Paris, c'est à côté de la Bibliothèque Nationale où il y a un lieu où on peut projeter. Donc elle fera... Il y a des tas de merveilles, il n'y a aucun détail dans le programme, mais je peux vous assurer qu'il y a des tas de merveilles, dont ces films, mais aussi des films, par exemple Tango de Rizinski. Si vous l'avez raté à la BPI, vous pourrez le voir là. Quoi d'autre? Une carte blanche à Manuel Otero au Haut d'Enfer. Alors je ne sais pas encore le jour, mais c'est un personnage tout à fait étonnant de l'animation. Manuel Otero, c'est le plus ancien producteur de films d'animation en France. Et lui-même réalisateur de nombreux films. Oui, un ancien de la Bergère et la Regarde aussi, chez Grimaud. Un ancien Grand Prix d'Annecy notamment. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? En région parisienne, beaucoup d'hommages à René Laloux, à Conflans-Sainte-Honorine, à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, mais aussi dans de nombreuses villes de l'Essonne, dans le cadre du Festival Ciné-Essonne, à Chilly-Mazarin, à Montgeron, à Viry-Châtillon, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Jean-François Ligioni sera présent, lui, à Trappes, au cinéma Jean Renoir. On diffusera deux de ses longs métrages, Le Reflet des Singes et l'île de Blackmore, ça c'est le mercredi 20. Bon, vous voyez, beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, quand même, une exposition sur Émile Cole à Saint-Michel-sur-Orge. Alors, déjà, l'année dernière, vous avez fait une exposition sur Ladislas Starevitch, et cette année, ils font Émile Cole à partir du 20, et ça dure, je ne sais plus jusqu'à quand, mais en tout cas, vous aurez le temps d'y aller. C'est quand même assez rare, et bravo à ce travail patrimonial. Tout à fait extraordinaire. Bon, je ne peux pas tout citer, hein, mais il y a plein de choses très très intéressantes. J'aurais signalé aussi, si vous voulez découvrir Frédéric Bach, on peut le faire à Strasbourg, mais on peut le faire aussi au cinéma Le Luxé à Ivry-sur-Seine, où on a pratiquement toutes les œuvres de Frédéric Bach qui sont présentées. Je crois qu'il y a tout d'ailleurs. C'est vraiment un grand grand réalisateur. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Voilà, j'en ai sûrement oublié, ils vont m'en vouloir. Ah, un atelier sur le son, le cinéma de Galilée à Argenteuil. Il repasse la prophétie des grenouilles et le technicien qui a travaillé sur le son de la prophétie des grenouilles, Loïc Bucart, qui donc travaille à Fanimage, proposera un atelier sur le son au cinéma le 27 octobre. Je connais bien Loïc Bucart, c'est quelqu'un qui a un discours extraordinaire sur le son au cinéma, et vraiment, je vous engage d'aller découvrir ça. Mais l'atelier est super bien fait en plus. C'est un as. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Voilà. Il faut bien que je laisse la parole à Annabelle. Bon, simplement encore, hein, 250 manifestations dans toute la France. Donc allez-y, vous pouvez avoir le programme. Vous pouvez télécharger par région le programme sur le site de l'AFCA en format PDF. Donc www.afca.asso.fr. Voilà, régalez-vous pendant une semaine. Et maintenant, je laisse la parole à Annabelle. Mais oui, parce qu'il y a plein de choses qui se passent aussi en dehors de la fête de l'animation. Alors tout d'abord, les sorties en salle. Depuis le 6 octobre, vous pouvez découvrir Impressions de montagne et d'eau, qui est un très joli programme de films chinois réalisé entre 1981 et 1988. Je vous conseille vivement d'aller y jeter un coup d'œil, parce qu'en fait, ce sont des films réalisés en lavis peint ou découpé. Et c'est des techniques virtuoses, en plus qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. C'est absolument magnifique. C'est magnifique. Absolument magnifique. Et puis vous pourrez également voir ou revoir L'enfant au grelot de Jacques-Rémy Girard, suivi d'autres courts-métrages de Folimage. Ça, c'est dès le 13 octobre, donc dans vos salles de cinéma. Au Forum des images, les après-midi des enfants sont de retour, le mercredi et le samedi à 15h, et proposent jusqu'en décembre plein de petits sortilèges animés dans le cadre du cycle Initiation. Rendez-vous donc le mercredi 13 octobre avec Horus, Prince du Soleil, d'Isao Takahata, et le 20 avec La Flûte Enchantée, de Luzzati et Giannini. Vous pouvez avoir plus de renseignements sur le site www.forumdesimages.net. Il y aura aussi une expo à ne surtout pas manquer. Ça se passe dans le cadre du mois de la photo à Paris. C'est la Cinémathèque française et le Musée d'Orsay qui mettent l'accent sur le travail du découvreur de la technique cinématographique avec l'exposition « Mouvement de l'air, Étienne-Jules Marais, photographe des fluides ». Donc là, en fait, pour la première fois, une grande partie des plaques originales, accompagnées de tirages modernes, seront présentées dans leur totalité au public. Donc, allez-y, je pense que ça va être vraiment super. Ça commence le 19 octobre et c'est jusqu'au 16 janvier au Musée d'Orsay. Vous pourrez également voir des films sans sortir de chez vous, puisque Lobster Film sort son opus 3 de Retour de Flamme, savoureux cocktail de vieilles bobines, où se trouvent quelques trésors de l'animation accompagnés de bonus. Vous y retrouverez 6 publicités de l'Ortac, Cartoon Factory des Flair Fleischer et Hollywood Steps Out de Tex Avery. Il y a également Wildside qui propose Le Serpent Blanc, premier long métrage japonais en couleur réalisé en 1958, par Taiji Yabushita, et puis les films du paradoxe qui présentent les peintures animées de George Schwitzgebel, soit 13 courts-métrages du réalisateur suisse, réalisés entre 1974 et 2004. Donc ça, c'est en DVD. Et puis, ce mois-ci, c'est l'explosion des ouvrages et des articles sur l'animation. Il y a tout d'abord les éditions Tachen, qui élargissent encore leur champ d'investigation en publiant en octobre Animation Now. On en reparlera de ce livre. Ouais, j'en parle maintenant, Vas-y. C'est comme ça. donc en fait, c'est un ouvrage assez conséquent, hein, puisqu'il y a 257 pages, qui est écrit par les fondateurs du festival brésilien Anima Mundi. Donc en fait, ça recense la classe par ordre alphabétique, les plus éminents artistes ou studios de cinéma d'animation à travers le monde. Et puis c'est étoffé de 2 DVD de making-of, publicité, bande-annonce. Il sortira en version trilingue anglais, français, allemand. Et vous pouvez avoir plus de renseignements sur leur site www.tachen.com. Autre ouvrage, George Schwitzgebel, des peintures animées, sorti en juin sous les presses genevoises, dans lequel Olivier Cotte propose de nous faire comprendre la démarche de l'animateur suisse, réalisateur de peintures qui s'animent. Et on en reparlera aussi. Oui, je continue quand même, hein, ça suffit maintenant. En fait, c'est conçu comme c'est une série... Pour revenir, hein. Ouais, ça suffit maintenant, hein. Alors en fait, c'est conçu comme une série d'entretiens et ça se compose de chapitres correspondant à une problématique directement liée à des thèmes ou des techniques récurrents dans l'œuvre de l'artiste. Olivier vous en reparlera plus tard. Et puis une petite revue de presse pour finir. Il y a la Gazette des scénaristes qui, dans son numéro de septembre, livre un dossier conséquent intitulé « Auteurs et bassesses de l'animation française ». Il y est question de l'évolution du métier de scénariste d'animation depuis son apparition à l'aube des années 80, de l'influence des techniques d'animation sur l'écriture, du problème des droits d'auteur, de coproduction internationale, le tout à travers les points de vue de scénariste, de réalisateur, de producteur et de directrice d'unité jeunesse de chaîne télévision. Et puis, dans son numéro d'octobre 2004, Bref, le magazine du court-métrage, s'intéresse à la 12e édition de l'Étrange Festival, et de la part prépondérante de l'animation dans les films expérimentaux et propose un dossier spécial consacré à l'économie d'un genre qui prise l'animation, le clip. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Merci Annabelle. Alors j'ai le temps de rajouter trois petites choses que je n'ai pas citées et que je voudrais quand même rappeler sur Paris. Au cinéma L'Archipel, le samedi 23 à 20h, une soirée organisée en collaboration avec Animeland. Deux longs métrages japonais totalement inédits en France seront proposés à l'occasion. Je ne vous les citerai pas parce que je ne les ai pas sous la main. Néanmoins, vous pouvez trouver ça sur le site de l'AFCA encore une fois, le détail. Je voudrais parler aussi des séances organisées dans le cadre des Midis du Balzac, le cinéma de Balzac, le vendredi 22 et le jeudi 28, donc à midi et demi, c'est pas à midi, c'est à midi et demi, avec une programmation des archives françaises du film, avec des vraies merveilles. La joie de vivre, si vous n'avez toujours pas vu La joie de vivre d'Anthony Gross et Hector Opine, il est encore temps de le découvrir, c'est une vraie merveille. Des films des années 30 comme Meunier Tudor, La découverte de l'Amérique, un court-métrage publicitaire d'Alexeïev, enfin des choses fantastiques, L'idée de Bartoche, découvrez ça, c'est vraiment des raretés. Et puis quand même, j'ai pas cité le fait qu'il y avait une exposition sur Paul Grimaud dans les locaux de l'AFCA, donc allez découvrir le travail de Paul Grimaud, et voilà, c'est l'heure maintenant. Donc je vous dis au revoir, et puis on se retrouve le 6 novembre avec Olivier Cotte, qui nous parlera de son livre sur Georges Fitzgebel, et avec Eric River, le directeur du département animation de l'école des Gobelins. Voilà, à très bientôt, au revoir.